parler avec le maire de Dolboom, ceci André Guy, puisque la semaine passée, une nouvelle d'eau lançait une nouvelle comme de quoi que le challenge cycliste des Bleuets pourrait être menacé. Semble-t-il que la Sûreté du Québec voulait plus vraiment s'occuper de ce dossier-là, voulait plus faire de la surveillance. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec André Guy. Salut André! Salut, M. Veilleux, ça va? Ah, oui, ça va bien, ça va bien. André, j'ai vu cette nouvelle passée-là, comme de quoi que le challenge cycliste pourrait être menacé par rapport à que la Sûreté du Québec voulait, ça les intéressait plus de faire la surveillance. Mais là, j'ai vu que tu allais travailler là-dessus pour essayer de convaincre la Sûreté de revenir sur sa décision. Ça en est rendu ce matin, la nouvelle? Ben écoute, au moment où on se parle, Danny, j'ai une rencontre avec les gens de la Sûreté du Québec cet après-midi. Donc, on va avoir une remise à jour qui va se faire sur ce dossier-là. Là, ce qu'on en est rendu, c'est que, écoute, à la dernière minute, la SQ, la Sûreté du Québec, avisait le Challenge Cycliste qui n'avait pas l'intention d'escorter le Challenge Cycliste cette année, mais qu'il gardait l'activité Pierre Lavoie qu'il allait escorter. Donc, on a dit pourquoi. Ils nous ont invoqué une directive à quelque part. Puis je peux te dire, au moment où on se parle, Danny, que cette directive-là, j'ai eu une consultation, moi, avec un haut gradé de la SQ. Il n'y a aucune directive qui a été émise dans ce sens-là. Donc, tu comprendras que... T'es-tu un malentendu, comment? Ben, écoute, il y a une mauvaise information où ils n'ont pas d'argument. L'argumentaire avancé ne tient pas la route. Okay. C'est ce que je vais voir cet après-midi avec les représentants de la SQ, que c'est quoi la raison. Puis, on a beaucoup de questionnements, Danny, dans lesquels on n'a pas nos réponses. Pourquoi Pierre Lavoie, lui, il va être escorté, puis nous, on n'est pas escorté? C'est quoi la raison? On obtient des réponses très vagues de la part de la Sûreté du Québec. Et comme tu sais, Danny, là, c'est pas loin de la date, Omar. Parce qu'au bout d'à peu près une dizaine de jours, j'étais avec les représentants du Challenge Cycliste. Il y avait déjà au-dessus de 180 inscriptions venant de partout dans la province de Québec. C'est une activité économique non négligeable. Des retombées là, économiques non négligeables pour la ville de Dolbeau-Missassini. Donc, puis il n'y a pas grand plan A et B. Là. Écoute, on a d'autres activités cyclistes que, contrairement au Challenge, eux utilisent la piste cyclable, la véloroute. Mais nous, le challenge, c'est pas ça. Là. On utilise la route régionale. Mm-hmm. C'est une des raisons pourquoi on a besoin d'un escorte pour cette activité-là. Mm-hmm. Puis, écoute, on travaille très fort. On est prêt à monter à la grande patronne là, de la SQ, Mme Guilbeault, s'il le faut. Okay. Mais nous, on baissera pas les bras. OK. Donc, t'es quand même bon espoir de convaincre. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un malentendu que d'autres choses. Ben, d'après moi, oui. J'ai hâte de, comme je te dis, Danny, j'ai hâte de rencontrer les gens cet après-midi. Moi, j'ai une rencontre de fixée à, je pense, c'est à 14h cet après-midi. Okay. Avec deux représentants de la Sûreté du Québec qui viennent me rencontrer. Okay. Je sais qu'ils n'aiment pas trop qu'on fasse cette publicité négative-là parce qu'on sait que les gens de la SQ sont au service de la population. Ouais. Donc, je vois mal, moi, qu'ils ne sont pas capables de nous rendre ce service-là dans lequel. Pierre Lavoie, c'est pas en même temps du tout, là. Aussi, hein. Ah non. Écoute, puis cette activité-là, c'est dans la fin de semaine de la fête du travail, au mois de septembre. Puis il nous faut absolument... Puis comme j'ai parlé avec les gens de Challenge Cycliste, c'est que, écoute, on peut pas, autre que la SQ, faire des arrêts de circulation. C'est-à-dire que même si on prendrait une entreprise privée, quand on va arriver à l'intérieur des villes, on n'est pas capable, il faut que la SQ soit là pour exactement faire arrêter la circulation, faire passer les groupes de cyclistes. Mm-hmm. Donc, comme ils nous ont dit, les responsables du Challenge, là, on a le plan A, mais le plan B, là, on n'a pas là, le plan B. Okay. Donc, on n'a pas le choix. Faut travailler très fort. Puis comme j'ai toujours dit, on est accoutumés, nous, les gens du nord du lac Saint-Jean, on doit se battre pour garder nos activités, pour rester en vie. Ouais. Deuxième, comment ça va le gazon synthétique? Là, c'est sûr qu'on a pas mal que tu attends la fonte des neiges, là, mais comment ça s'enligne pour le parc Western, le multiparc? Ça va être en fonction cet été, ça, hein? Bon, écoute, le multiparc, ce que tu vas voir cet été, c'est les travaux. OK. C'est les travaux qui vont être entrepris. Moi, je peux te dire que présentement, le piquetage est fait. Les prélèvements de terrain sont faits pour voir s'il y avait des zones contaminées. La firme d'ingénieurs nous a remis ce travail-là. On a rencontré cette semaine, les responsables de la fondation d'équipe Montréal de soccer pour notre fameux terrain de soccer. légal. Celui-là va rentrer, d'après moi, en fonction en 2023. Okay. Il est supposé être inauguré en juillet 2023. Pour ce qui est du terrain, on peut dire que le terrain de Ballante, ça va être la dernière été où ce qui se trouve présentement à l'arrière de l'aréna. Il va être transféré à la partie du parc La Friche. On peut dire que d'ici à la fin de l'été, début hiver, on pense notre bloc sanitaire va être construit. Les patinoires décorquées devraient être construites pour que l'hiver, ben, il va y avoir des patinoires glacées à la place du décorqué. La piste cyclable, pas la piste cyclable, mais la piste d'athlétisme qui fait tout le tour de ce parc-là devrait être en force. On prévoit que nous, été 2023, là, le parc va être prêt à proche de 80, mais il va être proche à 80-90% prêt. Ah, ben c'est bon, ça, c'est bon. Fait que ça, on va suivre ça. André, merci beaucoup. On suit aussi le challenge list de très, très bientôt. OK, c'est beau. Salut, Danny.